Genève, pas qui. Ma vie stupéfaite du train qu'elle mène, satisfait par ceux qui l'entraînent. Entre nous, on s'entraîne. On tend la main à son prochain. J'ai jamais laissé un frère par terre qui ne puisse se lever de ses propres moyens. Alors je puisse toute la journée dans mes idées, loin de m'enrichir sans faire souffrir. Trouver sa raccourci selon les dires. Et les ennuis m'avaient déjà pris dans leur site de mire. J'admire tous ceux qui ont sourire tous les matins. Moi j'ai perdu mien et ton gamin. La cause de mon train-train quotidien, mais j'y tiens. Sinon, pourquoi lutter? J'ai encore plein d'années à passer. Pour vivre dans une nouvelle crise pétrolière. Ou pour la fierté d'apporter son premier petit-fils à ma mère. C'est vénère, en train de vie qu'on mène. Elle a un goût amère, mais on l'aime. On la critique comme si on pouvait se séparer. Mais seul quand j'en lirai, je pourrais lui demander ma dernière volonté. Mon train de vie dérive sur Charleville. Ma ville vrille. L'intensité des cris est compréhensible. L'inquiétude des gens est visible. Les remerciements sont toujours autant illisibles. J'avance seul tout comme si j'étais devenu invisible. La mienne a des hauts et des bas, bien trop d'égo, ne la suis pas. Moi je n'arrive plus à en sortir, ne fais pas la même erreur que moi. Aujourd'hui on peut tout faire, changer de sexe comme de couleur, cacher une vieille douleur, derrière des vêtements de grande valeur. Cela ne nous rendra pas à ceux qui sont partis avant l'heure. Pour l'instant je taffe sur le moment présent. Je me rends compte qu'avec le temps, le plus important n'était pas l'argent. Pourquoi encore autant de gens s'y mêlent? Chez nous c'est la grêle qui tombe et pas l'oseille. On se protège de tout danger. La tasse contaminée au schlasse qui est là pour se venger. Hélas, trop des nôtres partent en direction de l'étranger. Tu piges où je veux en venir? 14 piges, c'est trop tôt pour bousiller son avenir. Devenir la proie d'un état qui ne sait plus ce qu'est la foi. Je suis catholique et ma croix m'accompagne dans les endroits les plus insolites. Du côté obscur comme disait Ayam, ou nettoyer ses bavures comme disait Vantam. De prendre la douce ou de la dure, à chacun sa cam. Ça c'est de Wham. Mon train de vie dérive sur Charleville. Ma ville vrille. L'intensité des cris est compréhensible. L'inquiétude des gens est visible. Les remerciements sont toujours autant illisibles. J'avance seul tout comme si j'étais devenu invisible. Mon avenir est perceptible derrière les grandes lignes de ce livre. Lis-le attentivement, tu verras la vie qu'on mène posée sur nos bancs. Une routine entraînante, des images contraignantes. Au chapitre 2, je raconte mon enfance. Tout est beau. Chapitre 3, mon adolescence, le chaos. On commence à perdre des poteaux. Les souvenirs parlent avec des photos. Les soupirs accompagnent les sanglots. Combien on fait le grand saut? J'aimerais leur rendre hommage par ce tatouage sur le dos. Faudrait que je fasse mettre de plus pour avoir la place d'écrire tous les noms des gens que j'aime. Mes textes portent toujours les mêmes thèmes. On dit toujours qu'on va récolter ce que l'on sème. Alors je comprends pas pourquoi Catherine a frappé la Caroline alors que je n'y étais pas. Je ne crois pas que j'ai une bonne étoile, mais un bon flair, un air vénère. Chez nous ça se balade en Nike Air. On a laissé les costards au fils à leur mère. On a laissé croire au pop que les mitaires sont là pour sauver notre globe. Alors qu'on avance à découvert comme un zob sans capote. Mon train de vie dérive sur Charleville. Ma ville vrille. L'intensité des cris est compréhensible. L'inquiétude des gens est visible. Les remerciements sont toujours autant illisibles. J'avance seul tout comme si j'étais devenu invisible. Tout change avec des grands projets d'avenir. Mais combien d'entre eux vont aboutir, vont être légaux, cités par l'arbitre. Mon train dit, m'a appris à plus faire confiance à autrui. Même si cette fille te dit qu'elle te veut pour la vie, les rêves sont magnifiques tant que les yeux restent fermés. À l'ouverture, c'est cette réalité qu'elle a pour t'éclater. Tu sais bien qu'une cure ne va rien y changer. Sinon, pourquoi compterait-on autant de cures et de péchés? Cette vie a l'air de m'écœurer. Cette ville ne m'a jamais attiré, l'école ne m'a jamais passionné. J'en suis pas fier, au contraire. J'essaie de montrer le bon exemple, petit frère, de pas marcher sur les chemins bouseux. Moi, m'intéresser au marché de la bœuf par péché. J'ai peur de trop vite rejoindre les chemins qui mènent aux cieux. Alors tu sais, quand je pense aux miens, je suis pas prêt à leur dire adieu. Aux envieux, je leur dis merde. D'ordinaire, orgueilleux, un jour je retournerai au bled. Rejoindre ceux que j'ai laissés sur le chemin de la gloire. À quand le lendemain, je quitterai ce square. Ici la grande voile, me revoilà Portugal. Retour aux racines, mais là-bas le train de vie, c'est l'usine. Faut partir qu'un beau projet à faire profiter les cousins, cousines. Mon train de vie dérive sur Charleville. Ma ville vrille. L'intensité des cris est compréhensible. L'inquiétude des gens est visible. Les remerciements sont toujours autant illisibles. J'avance tout comme si j'étais devenu invisible. Invisible. Invisible. Invisible.